Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire d'une association qui en quelques années a pris une ampleur considérable. L214, une lettre et trois chiffres, comme le nom de l'article du Code rural qui en 1976 définissait les règles de la protection animale. Car on mesure aussi le degré de civilisation d'une société au rapport qu'elle entretient avec l'animal. Non, ce ne sont pas des animaux. Non, ils ne sont pas à notre service. Non, l'homme n'est pas le centre du monde. Autrement dit, altospécisme, cette doctrine qui consacre le primat de l'être humain sur toute autre espèce vivante et aux dépens de celle-ci. L214, c'est donc l'histoire d'un couple qui a choisi de mettre en conformité cette philosophie avec des actes. Brigitte Gauthier et Sébastien Arsa, qui se sont rencontrés sur les bancs du lycée, ont ainsi tissé au fil du temps une méthode unique et redoutablement efficace pour dénoncer les maltraitances dans les élevages et les abattoirs, et ce depuis 2008 sans relâche. Les syndicats d'agriculteurs et de producteurs de viande ont compris que désormais, ils ne pourraient plus fouler du pied la protection animale sans trouver sur leur chemin des militants aguerris. C'est une nouvelle donne qu'ils doivent prendre en compte. Notre invitée aujourd'hui, Brigitte Gauthier, cofondatrice de l'association L214. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA. Récit documentaire Marjolaine Coq, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Les outils de travail sont, suivant les animaux, le jonc ou roseau, le merlin anglais et le pistolet de Bear dont l'emporte-pièce foudroie l'animal par percussion. Les abattoirs, ce chaînon caché entre les animaux et cette pièce de viande que l'on cuisine. Qui a conscience de ce qui se joue dans les coulisses des élevages et des abattoirs pour que chaque jour, supermarchés et restaurants puissent satisfaire notre consommation de viande? En 1906 déjà, l'écrivain Upton Sinclair publiait La jungle, un roman cru sur les conditions de travail dans les abattoirs de Chicago. Cette semaine d'enquête dans les abattoirs, avec à la main un seau, tout simplement, et l'air affairé, Upton Sinclair circule partout et prend des notes. Son roman, parfaitement documenté, sort en 1906. Dénonciation véhémente de l'exploitation des ouvriers par les trusts. Son héros, un immigré lituanien de fraîche date, Jurgis Rutkus, échappe de peu au gangstérisme avant que de se révolter et de préparer l'avènement du socialisme. La jungle est un succès considérable. Le président Theodore Roosevelt convoque Upton Sinclair et les lois sont changées. S'infiltrer, dévoiler la triste fin des bêtes et parvenir à faire évoluer la loi. La méthode est reprise 100 ans plus tard par l'association française L214. Encore méconnue du grand public il y a 10 ans, elle s'est rapidement fait une place dans le paysage médiatique et politique français. L214, c'est donc l'histoire d'un couple, Brigitte Gauthier et Sébastien Arsac, qui a choisi de consacrer sa vie à la cause animale. Du côté de Sébastien, les grands-parents auvergnats, paternels comme maternels, cumulaient les métiers de maquignon, puis de boucher pour l'un et d'éleveur pour l'autre. Chaque année, en février, toute la famille se réunissait dans la ferme familiale pour la fête du cochon. La bête était ligotée, puis saignée, et les membres de la famille préparaient puis se partageaient la viande. C'est peut-être tout simplement pour cela que Sébastien sera bientôt l'un des plus fervents défenseurs du bien-être animal d'ailleurs. Il y avait eu des signes avant-coureurs lorsque l'adolescent n'avait plus supporté les cris du cochon que les hommes ligotent. Malgré tout, le jeune garçon qui rencontre Brigitte Gauthier au lycée continue de manger de la viande. Le couple ne commencera à s'interroger sur ses pratiques alimentaires qu'une fois à l'université. Et c'est une BD qui provoque le déclic. Sébastien se plaît à raconter comment, allongé sur son canapé et grignotant une tranche de lard, l'album « Lama blanc » d'Alexandre Jodorowsky a été une révélation. Il y a une petite case en bas à gauche. Ce moine qui est mis à l'épreuve dans un monastère où il arrive, des moines un peu véreux qui le mettent à l'épreuve et qui lui demandent de rester pendant 2 nuits à l'extérieur, donc c'est dans les chaînes de l'Himalaya. Il fait froid et il voit passer des moines qui transportent sur leur épaule une espèce de un poids couvert par un tissu. Il y a une bourrasque devant, le tissu s'envole et là il voit une carcasse de cochon mort. Et il dit que son froid et douleur comparé aux affres que connaissent ceux qu'on sacrifie au bon plaisir des autres. Et ça m'a fait réaliser qu'il y avait des civilisations qui ne consommaient pas d'animaux. Et c'est en faisant ce pas d'écart que j'ai eu ce déclic. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent dans ma démarche. Brigitte et Sébastien ne le savent pas encore, mais cette décision va modifier le cours de leur vie. Pour l'heure, en 1993, les deux amoureux terminent leurs études. Brigitte devient professeure de physique et Sébastien passe le concours d'instituteur en même temps qu'il entame une thèse. Mais une obligation attend le jeune homme, le service militaire, par son genre de beauté. Alors il se positionne en objecteur de conscience et réussit à décrocher une place à la Maison de l'écologie de Lyon. Lui qui, jusque-là, était devenu végétarien dans une démarche totalement personnelle, va découvrir qu'il existe des courants philosophiques et politiques qui accompagnent ce mode d'alimentation. Et ce sont des tracts, des essais, des magazines disponibles à la Maison de l'écologie qui vont nourrir le couple, intellectuellement s'entend. Une revue, les cahiers de l'antispécisme, les passionne. Ils y découvrent des articles qui achèvent de les convaincre de la nécessité de se battre pour changer le regard de la société sur les animaux. Sébastien et Brigitte découvrent alors des personnes qui ont la même vision que la leur. Toutes les formes d'injustice et de discrimination sont passées au crible. Spécisme, racisme, homophobie, transphobie. Notre société repose sur de profondes inégalités. Ils doivent contribuer à changer la donne. Fabrication de tracts, création de stands, le militantisme devient le mode de vie du couple. À bord de sa caravane, Brigitte et Sébastien parcourent la France des concerts et des festivals pour faire goûter du pâté végétal et distribuer des tracts antispécistes, anticapitalistes, antimilitaristes et féministes. Tous les istes y passent. Et dans ce joyeux désordre, le couple organise des conférences un peu foutraques où on lance un sujet à la cantonade et on discute à n'en plus finir. En 1998, alors que la vie les a menés à Strasbourg, Brigitte et Sébastien rassemblent plusieurs collectifs afin d'organiser une marche pour l'égalité animale. Cette manif se termine devant l'abattoir d'Holzheim, devant un muret rehaussé de la statue d'une vache. Les militants la recouvrent de faux sang. La contre-attaque ne se fait pas attendre. L'abattoir leur intente un procès pour dégradation, bien car enfin. Que veulent ces jeunes gens en colère ? Qui peut comprendre ce groupe qui semble vouloir stopper complètement tout élevage animal ? Brigitte et Sébastien, organisateurs de la manifestation, ne se sont pas constitués en association. Ils sont donc personnellement condamnés à verser 50 000 francs d'amende de leur poche. Pour éponger cette dette, ils organisent de nombreux concerts de soutien. Puis la vie continue avec toujours cette colère intacte, ce besoin pressant de faire changer les mœurs. Mais les militants baignent dans un milieu alternatif de personnes déjà convaincues par leur démarche. Alors, comment parvenir à toucher le reste de la société ? En 2003, alors qu'ils participent aux estivales de la question animale, une rencontre annuelle proposée par les cahiers antispécistes, Brigitte et Sébastien font la connaissance d'Antoine Comitti, qui leur parle du militant américano-belge Henri Spira. Il se trouve que les méthodes de cet activiste ont eu des résultats très concrets. Par exemple, il a réussi à interdire les tests sur les animaux menés par la marque de maquillage Revlon. Le philosophe Peter Singer, qui lui a consacré un livre, raconte cet épisode dans l'émission 28 minutes sur Arte. Oui, alors précisément là, Henri Spira avait des documents qui montraient que Revlon faisait des essais chimiques sur des lapins avec des produits chimiques qu'on leur mettait dans les yeux qui pouvaient brûler leur rétine. Évidemment, il n'y avait pas d'anesthésie. Donc Henri Spira a dit à Revlon, il faut maintenant interrompre ces essais-là. Et il s'est rendu compte qu'au titre de la loi américaine de l'époque, si on ne faisait pas ces tests sur les animaux, alors ils ne pouvaient pas être mis sur le marché. C'était le seul moyen de faire en sorte que ces produits étaient sûrs pour la consommation humaine. Donc là, c'était un blocage. Peu importe la pression que l'on pouvait mettre sur Revlon, on ne pouvait pas vendre ces produits-là. Donc, au lieu de cela, il a contourné la question et il a proposé que 0,1% du chiffre d'affaires soit mis de côté pour pouvoir développer des solutions, des substituts à ce test-là. Et ensuite, il a rallié à sa cause l'opinion publique avec une publication dans le New York Times, et ensuite le changement a pu intervenir. Et puis ces expériences ont pu être interrompues. En découvrant les travaux d'Henri Spira, les deux jeunes gens comprennent la nécessité de rester en prise avec la réalité. En lisant ses ouvrages, ils retiennent des conseils très concrets comme « Tiens, asseyez-vous dans le métro à côté de n'importe qui et entamez la discussion pour comprendre où en est la société ». Ce que Brigitte et Sébastien font, et prennent alors conscience qu'ils vivent dans une bulle où l'éthique à l'égard des animaux est à milieu de ce qui régit la société française. Ils prennent conscience de l'arrogance dont ils font preuve lorsqu'ils condamnent et jugent ceux qui ne s'interrogent pas sur la condition animale. S'ils veulent faire bouger les lignes, ce ne sont pas leurs manifestations et leurs prospectus distribués dans des festivals qui pourront changer la donne. C'est donc sur ces principes nouveaux que Brigitte et Sébastien vont jeter les bases de ce qui deviendra L214. Désormais, ils ne chercheront plus à imposer une façon de voir, non. Ils vont se fixer des buts atteignables, et surtout, ne pas diviser le monde entre les bons et les méchants. Le thème de la première campagne organisée s'impose naturellement. Noël approche. Cet espace de la grande bouffe, de la consommation jusqu'à l'écœurement, du gâchis et des poubelles remplies jusqu'à ras-le-bol, Noël, c'est aussi le foie gras. Pauvre foie qu'on fait grossir violemment, artificiellement, sans prendre en compte les lois de la biologie, juste pour le plaisir de nos papilles. Encore méconnus du monde agricole, les militants pour la défense de la condition animale s'introduisent facilement dans les élevages au prétexte d'études, caméras au point, et dévoilent en vérité l'envers du décor, vraiment pas beau à voir. On coince l'oie entre les jambes. Là, on embuque l'oie. Et après, on dépose le maïs dans la partie supérieure du jabot. Voilà pour l'image d'Épinal que vous connaissez du gavage. Mais en fait, 85% du foie gras périgourdin est fabriqué comme ça. Dans ce bâtiment, par exemple, 1000 canards sont gavés en 3 quarts d'heure, 2 fois par jour pendant 12 jours, avant de partir à l'abattoir. Ils se tirent au fond de leur cage quand le gaveur approche. Ils se débattent quand on empoigne leur cou pour enfoncer le tube jusqu'à l'estomac. On a regardé les chiffres de la filière, pas les nôtres, hein, ceux de taux de mortalité. Il y a 1 million d'oiseaux qui meurent en gavage chaque année en France. Et malgré ce bilan, dans sa dernière étude sur le mal-être animal, l'INRA a conclu que les oiseaux ne souffraient pas pendant le gavage. La force du trio militant pour la cause animale se trouve exactement dans ses propos. Ils ne se contentent pas d'images chocs, on l'a dit, non. En suivant leur nouvelle méthodologie, ils décortiquent le sujet sous tous ses aspects, confrontent les rapports scientifiques, ceux de l'Institut National de la Recherche Agronomique, l'INRA, avec ceux du Comité Scientifique de la Commission Européenne de la Santé et du Bien-être des Animaux. Et là, ils découvrent que les conclusions des deux organismes sont aux antipodes. Les militants dénoncent alors un conflit d'intérêts de la part de l'INRA. Pour eux, il y a un lien de subornation entre les chercheurs de l'Institut et les producteurs qui financent ces études, validant leurs procédés. Peut-être que tous ceux qui affirment que l'animal ne souffre pas devraient tester les méthodes du gavage sur eux-mêmes, hein ? Bon, c'est juste un fantasme. Alors, en attendant, la petite équipe du futur L214 mène campagne à travers la France et fait découvrir aux passants le traitement infligé aux canards et aux oies pour leur procurer du foie gras pendant les fêtes. Le gavage, les cages minuscules, mais aussi la sélection des poussins, le broyage de toutes les femelles et autres réjouissances dignes de l'époque rustre et barbare du Moyen-Âge. Et à force de creuser son sillon et de se documenter, l'équipe construit un argumentaire solide. Les confrontations avec les éleveurs sur les plateaux télévisés sont de mieux en mieux maîtrisées. Les explications sont précises, détaillées. Voilà. Il est temps maintenant de passer à la vitesse supérieure. 2008, les statuts de L214 sont déposés, guidés par cette philosophie. Tout animal étant un être sensible, doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Antoine Comité, le compère de Brigitte et de Sébastien, deviendra le président de l'association. Et grâce aux emplois aidés, Sébastien sera le premier salarié. Pour sa première année d'existence, L214 se penche notamment sur le sort des lapins élevés en batterie. Ils représentent 1% de la consommation de viande, mais nécessitent 10% des antibiotiques destinés aux animaux et surtout, plus d'un quart des lapins meurent avant d'être envoyés à l'abattoir. Cette enquête offrira à l'association son premier passage au journal de 20h, en l'occurrence celui de TF1. L'association n'est pas citée, mais son action commence à faire parler. Dans ces cages d'engraissement, les lapins disposent de peu de place, à peine la surface d'une feuille de papier A4 chacun. Nous sommes chez un éleveur du nord de la France. Dans le cadre de cette enquête soutenue par la SPA, une dizaine d'élevages ont ainsi été visités. Premier constat, après la naissance, voilà comment on élimine les faibles. Conséquence, donc voilà, on prend le lapro, pouf, on l'assomme sur le bord d'une caisse, et puis on jette le lapro au milieu des morts-nés. Vous avez ici voilà, des lapros qui sont encore vivants et qui vont comme ça agoniser. Bon, il n'y a pas de contrôle en fait au niveau des méthodes de mise à mort à l'intérieur des élevages, qui est une pratique routinière. Ceux qui passent la sélection sont bagués puis expédiés chez des éleveurs. Plus tard, on retrouve ici des animaux au comportement de frustration, de rongement de barreaux. Ces cages ne respectent pas le minimum des besoins fondamentaux des rongeurs. L'impact est assez fort pour inquiéter la filière professionnelle qui assigne en référé la jeune association et qui parvient à obtenir de la justice qu'elle n'utilise plus les images. Des huissiers interviennent même sur un stand à Toulouse pour vérifier que la décision judiciaire est bien respectée. Les militants découvrent jusqu'où sont prêts à aller les industriels attaqués et se prémunissent en se faisant dorénavant accompagner de deux avocates. En 2008, c'est aussi l'année où Sébastien se fait embaucher 3 semaines à l'abattoir Charles de Metz. Encore inconnu du grand public et surtout de la profession, il peut jouer les passagers clandestins dans ces établissements qui chaque jour tuent des centaines d'animaux. Alors, il filmera tout en caméra cachée. C'est avec cette enquête que l'association va peaufiner son mode opératoire. Alors que jusque-là, aucun établissement n'avait été désigné nommément, l'abattoir de Metz essuie les plâtres. La pratique du name and shame, nommer et couvrir de honte, est jugée plus efficace par l'association, car les sociétés désignées ne peuvent pas se défausser. Et surtout, elles ont ainsi les moyens de se défendre et de montrer les efforts fournis par la suite. Cette technique fonctionne au-delà des espérances de L214. Le ministre de l'Agriculture de l'époque, Bruno Le Maire, s'empare du sujet et envoie un courrier aux associations de défense des animaux. Vous avez appelé mon attention sur les conditions déplorables d'abattage d'animaux de boucherie constatées par l'association L214 dans un abattoir à Metz. À la suite de cette affaire, j'ai immédiatement demandé à l'inspection générale de ce ministère de conduire un audit interne dans les établissements d'abattage d'animaux de boucherie. Les lapins, l'abattage des cochons et des vaches, le broyage des poussins, le foie gras des grands chefs... Le nombre de scandales révélés par L214 grossit au fil des années. Les images chocs se succèdent, portées par les réseaux sociaux où les vidéos circulent et sont vues par des millions d'internautes. Facebook, Twitter et les autres constituent évidemment un puissant levier pour la cause. Les chaînes de télé rechignent parfois à diffuser ces images. Les réseaux sociaux, eux, n'ont aucun tabou. L214 ne se contente pas de dénoncer. L'association veut aussi apporter des solutions. Et pour y parvenir, elle applique à la lettre sa stratégie d'action, dont un point mentionne notamment le fait de trouver d'autres solutions qu'un recours systématique à la loi ou bien à la justice. Son arme favorite, c'est donc la négociation. Rassembler les preuves, montrer l'impact de ces preuves sur le consommateur et demander au groupe de distribution de revoir leur cahier des charges. Si les enseignes de la grande distribution ne proposent plus d'œufs en batterie, de fait, et c'est logique, ils en vendront moins. Ainsi, en 2010, L214 remporte-t-il son premier succès avec l'engagement de Novotel. La chaîne hôtelière n'utilisera plus d'œufs de poulet élevés en cage, Monoprix suivra, puis d'autres supermarchés comme Super U, dont le responsable communication Thierry Dessouche reconnaît le rôle de L214 dans la décision. une association comme L214 a gagné de l'influence sur ces multinationales industrielles ? Oui, disons-le. C'est sûr que ils ont bien pris en compte la réalité, l'importance de l'image de marque. C'est ça qui vous met sous pression ? Encore une fois, moi, je ne voudrais pas utiliser le mot pression parce qu'on pourrait penser que nous agissons contraints. Non, nous essayons, nous, de faire l'équilibre entre cette demande croissante que nous n'ignorons pas et puis la réalité des éleveurs. Au fil des ans, L214 s'étoffe. En 2015, elle compte 9000 adhérents et 15 salariés. Et à cette date, aucun d'entre eux n'imagine que dans quelques mois, ils vont connaître un formidable coup d'accélérateur. Sensible. Fabrice Drouel. Cela fait maintenant 13 ans que les activistes de Stop Gavage, devenus L214, montrent des images chocs. Et si l'opinion était mûre pour considérer la question animale un peu plus sérieusement, avec un peu plus de conscience? Depuis quelques années, les essais et romans sur le thème du bien-être animal se multiplient. Bidoche de Fabrice Nicolino, Faut-il manger des animaux de Jonathan Safranfer, Nostec d'Emeric Caron, les écrivains sont invités sur les plateaux de télé et la question intéresse de plus en plus. 2015 marque même un tournant dans le droit français. C'est l'année où l'animal est enfin reconnu dans le code civil en sa qualité d'être vivant doué de sensibilité, alors qu'il était considéré jusque-là comme un bien meuble, genre ce n'est qu'un animal. Ben voilà, ça bouge. D'ailleurs, du côté des abattoirs, de plus en plus d'employés en souffrance, trouvant L214 un moyen de révéler les maltraitances auxquelles ils assistent quotidiennement. Alors, les témoignages affluent et l'association s'organise pour collecter les informations, souvent grâce à des bénévoles qui se font embaucher pour quelques semaines et qui filment en caméra cachée. Ce jour-là, Florent accrochera 4000 pintades dans 5 heures. Après le travail, il visionne les images qu'il a tournées en caméra cachée. Il y a des cages qui arrivent vers nous. Alors elles sont une dizaine, voire un peu plus des fois par cage, les poules ou des pintades. Et donc on doit les récupérer assez rapidement et les accrocher toutes les deux secondes, en fait, un crochet. Voilà, une pintade toutes les deux secondes, un poulet toutes les deux secondes. Ça doit être une terreur pour eux, en fait. Des images difficiles à regarder pour cet amoureux des animaux. Au bout de quelques minutes, il se met à pleurer. Un travail douloureux mais nécessaire qui permet à L214 d'enchaîner les révélations jusqu'à celle qui provoquera une bascule, un tourbillon médiatique, celle qui révèle les conditions d'abattage des animaux à Alès à l'abattoir municipal. Des ovins saignés qui ont repris connaissance après avoir été étourdis. Des salariés qui s'amusent en infligeant des décharges électriques à un animal. Des images qui choquent, à la limite du soutenable. L'abattoir d'Alès dans le Gard a été fermé temporairement par la mairie après la diffusion d'une vidéo sur les conditions d'abattage. Des cochons gazés insuffisamment égorgés. Un carnage quotidien d'une effroyable cruauté. Pendant deux jours, Sébastien Arsac, sur place à Alès, et sa femme Brigitte Gauthier, à Paris, répondent en continu aux médias. Les boîtes vocales saturent, les messages s'empilent et les demandes d'interview n'en finissent plus d'arriver. D'un coup, les demandes d'adhésion affluent. De 9000 membres, l'association passe à 15000 en une seule année. Un mouvement qui ne s'arrêtera plus. Après Alès, L214 met en cause, image à l'appui, deux autres abattoirs. Celui du Vigan dans les Cévennes et de Mauléon-Lichard dans les Pyrénées. La démonstration est implacable. Le problème ne tient pas à un abattoir. Il y a bien maltraitance systématique, et quand c'est le cas, il faut y remédier. Le ministre de l'Agriculture le comprend bien. Stéphane Le Foll commande ainsi des inspections dans tous les abattoirs de France. Et dans la foulée, le député Olivier Falorni réclame l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. La portée de l'action de L214 devient alors nationale. La commission d'enquête devrait déboucher sur une loi destinée à améliorer les conditions d'abattage dans les abattoirs français. Une soixantaine d'heures d'audition permettent aux membres de cette commission d'entendre des associations de protection animale, des directeurs d'abattoirs, des chercheurs, des syndicats, enfin tous ceux qui peuvent donner les clés de la réalité d'un abattoir et surtout les raisons de telles dérives. Après trois mois de travaux, la commission dévoile ses conclusions. Elle propose de renforcer la formation du personnel d'abattoir et celle des sacrificateurs pour l'abattage halal et cachère, mais aussi d'installer des caméras de surveillance, de créer un comité national d'éthique des abattoirs et d'augmenter le recrutement de vétérinaires. 65 mesures sont listées pour augmenter la transparence sur les conditions d'abattage en France. Mais si le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, ne pouvait empêcher la création d'une commission parlementaire, en revanche, il peut freiner sa portée en limitant les propositions votées. Et c'est bien ce qui se passe. Au point que pour le premier vote de la loi en décembre 2016, celle-ci a été tellement dénaturée, démembrée. Et Olivier Falorni, qui en est pourtant à l'origine, se trouve obligé de voter contre. Les associations de protection des animaux montent alors au créneau et réclament un nouvel examen de la proposition de loi. Et la copie est révisée, puis proposée à nouveau en janvier 2017. Elle fait l'objet d'âpres tractations. Stéphane Le Foll cède du terrain sur le contrôle vidéo des abattoirs, qui est voté, mais en échange, Olivier Falorni accepte de retirer l'article 3 prévoyant l'embauche de vétérinaires au poste d'étourdissement et de mise à mort dans les abattoirs de plus de 50 salariés. Chacun a donc fait des concessions, mais lors du passage au Sénat quelques mois plus tard, la loi est encore allégée. Les militants comprennent que l'avancée ne sera qu'un petit pas. D'ailleurs, deux ans après le vote, la vidéosurveillance s'est retrouvée réduite à une première phase d'expérimentation dans seulement trois abattoirs. Cette expérience montre à L214 les résistances qui sévissent dans les coulisses du pouvoir et surtout la puissance des lobbies. En septembre 2018, Olivier Falorni racontait au micro de Secret d'Info sur France Inter les manœuvres des professionnels de la viande contre le contrôle vidéo. J'ai souvenir, par exemple, d'un mail d'Interbev, qui est l'interprofession de l'industrie de la viande, et qui avait listé les députés membres de la commission d'enquête, lorsque j'en étais président, pour déterminer les pro-viandes et les anti-viandes C'est-à-dire que l'industrie de la viande avait listé ceux qui auraient pu faire capoter, saboter l'idée du contrôle vidéo avant même qu'une proposition de loi puisse être proposée. Ça montre bien qu'il y avait une volonté dès le départ d'empêcher ce dispositif d'exister. Les syndicats qui défendent agriculteurs et producteurs de viande sont installés depuis longtemps dans le paysage politique français. Ils disposent de relais importants, à la fois dans les cabinets ministériels et auprès de certains députés et sénateurs. Dans ce rapport de force L214, la petite association qui monte comprend qu'elle doit redoubler d'efforts et affûter sa stratégie pour réussir à faire passer une loi. En 2018, l'occasion lui est donnée de tester une nouvelle stratégie avec la loi alimentation. Cette fois, le but est de parvenir à faire interdire l'élevage de poules en cage. Le 22 mai, l'Assemblée s'apprête à discuter le projet de loi agriculture et alimentation. C'est ce moment que choisit l'association pour diffuser une nouvelle vidéo sur les réseaux sociaux. Bonjour, je suis Sophie Marceau. Il y a 40 ans déjà, la romancière Marguerite Yourcenar évoquait le supplice des poules pondeuses en cage. Ces poules qui pondent à la chaîne sous le flot d'un éclairage électrique de jour et de nuit, le bec mutilé pour qu'elles ne puissent blesser leurs voisines serrées contre elles. Aujourd'hui, nous en sommes toujours là, au même point. Ces nouvelles images de L214 le montrent une fois de plus. Cet élevage se trouve dans les Côtes d'Armor, en Bretagne. Plus de 180 000 poules y sont entassées dans des cages... Les images sont encore une fois difficilement soutenables. Des poules entassées dans de petites cages, marchant sur des cadavres en putréfaction, vivant 24 heures sur 24 à la lumière des néons dans d'immenses hangars. Les images sont révoltantes. Et la FNSEA enrage. Dans une ultime tentative de retourner la situation, le puissant syndicat agricole positionne ses exploitants adhérents victimes. Peine perdue. Car L214 a pris du poids dans tous les sens du terme. Son budget de 48 000 euros en 2008 monte à 4,8 millions en 2019. Et depuis les images choc de l'abattoir d'Alès, le recrutement est incessant. De 15 salariés en 2015, ils sont maintenant 75 pour 46 000 adhérents. Malgré cette progression fulgurante, l'association antispéciste sait qu'il lui reste un long chemin à parcourir. Mais elle a aussi compris que la bataille de l'opinion publique était en passe d'être gagnée. Oh, bien sûr, les résistances restent, par définition, et subsisteront longtemps au niveau du Parlement. Mais qu'à cela ne tienne, il existe d'autres leviers où les lobbies de la viande et de l'agriculture sont bien moins implantés, et notamment au sein des municipalités. Parmi les nouveaux élus en 2020, en effet, 76 maires de villes de plus de 50 000 habitants se sont engagés en signant une charte proposée par L214. Et puis, l'association ne manque pas d'imagination pour contourner les freins à l'évolution et pour nous faire entrer une bonne fois pour toutes dans un modèle de civilisation un peu plus présentable. Je te frapperai sans colère et sans haine, comme un boucher, a dit Baudelaire. Sans colère, sans haine, et avec la simple bonne humeur des tueurs qui sifflent ou chantent en égorgeant. Parce qu'il faut bien manger chaque jour et faire manger les autres au prix d'un très pénible et souvent dangereux métier. My charm. Aujourd'hui, L214 dans Affaires Sensibles sur France Inter. L214 dont nous allons parler avec sa cofondatrice, Brigitte Gauthière. Bonjour. Bonjour. Brigitte et Sébastien, on n'a pas arrêté d'en parler pendant le récit, hein, évidemment. Vous avez fondé L214. On rappelle que c'est le nom de l'article du Code rural qui, en 1976, a défini les règles de la protection animale. Alors, les animaux sont des êtres sensibles, comme les affaires que nous traitons ici. Exactement. Quelles ont été les grandes étapes de cette prise en compte de la sensibilité de l'animal? Parce que, avant vous, il y a eu des prémices, il y a eu des efforts. Et vous êtes dans cette tradition-là? Oui, on est dans une tradition, effectivement, qui accorde de plus en plus d'attention aux autres animaux. Au lieu de les considérer, aujourd'hui, malheureusement, ils sont encore utilisés comme des ressources, de simples ressources, et on peut les entasser dans des élevages. On peut encore enfermer une truie dans une cage où elle peut juste se lever et se coucher, et les petites têtes à travers les barreaux. Il y a encore tout un tas de choses qu'on peut faire subir aux animaux parce que on les considère comme des ressources, au lieu de les considérer, comme le dit l'article L214, comme le dit aussi le Code civil maintenant, comme des êtres doués de sensibilité qui veulent vivre, comme nous finalement. Enfin voilà, ils peuvent être amicaux ou pas amicaux, solitaires ou pas solitaires. Tous les progrès qu'on a fait en éthologie, cette science-là qui s'intéresse à qui sont les animaux et tout ça, n'ont malheureusement pas fait changer les lois. On sait de plus en plus leur capacité cognitive, leur intelligence, leur relation, leur culture aussi, les cultures animales. Et pour autant, on n'a pas fondamentalement changé notre rapport aux animaux. Et même, je dirais, on n'a jamais autant maltraité les animaux qu'aujourd'hui en si grande quantité. On tue 3 millions d'animaux par jour, tous les jours, dans les abattoirs en France. C'est un rythme qui a jamais été égalé dans l'histoire de l'humanité jusqu'ici. Alors, est-ce que c'est de deux choses l'une, ou alors il y a une troisième voie? Je veux dire, est-ce que on considère que la seule façon, enfin, la seule justification, la meilleure de ne plus tuer les animaux, bah, c'est de plus manger de viande, et on est végétarien, c'est un choix personnel, c'est un choix de société aussi, mais c'est un choix. Ou alors on se dit, on continue à manger de la viande, parce que c'est aussi alors un secteur économique. Les éleveurs bovins, c'est un métier très difficile, extrêmement difficile. Ce sont des gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent et qui travaillent 7 jours sur 7. Et évidemment, ils ont droit à tout le respect. Est-ce qu'il n'y a pas une troisième voie? Et je pensais à certains éleveurs bio qui emmènent leurs bêtes jusqu'à la mort en les caressant, en leur mettant de la musique, en étant près d'eux, pour qu'il n'y ait pas cette souffrance-là. Est-ce qu'il n'y a pas une troisième voie à trouver, qui serait celle-là, et qui éviterait une espèce de guerre civile, entre guillemets? Bah aujourd'hui, justement, enfin, on n'est absolument pas sur ce sujet-là, entre ce choix-là et ce choix-là. Aujourd'hui, le niveau de consommation, le niveau de production qu'on a, fait que on a 80% des animaux aujourd'hui qui sont abattus en France, qui sont issus d'élevages intensifs, c'est-à-dire ces élevages où ils n'ont aucun accès à l'extérieur. Après, ça dépend de quel point de vue on se place. Du point de vue de l'environnement, du point de vue de notre santé, on parle des zoonoses en ce moment, puisque on subit une épidémie de coronavirus, mais on sait que les prochaines zoonoses qu'on pourrait prendre pourraient provenir de bactéries, de virus qui se sont développés justement dans ces élevages intensifs. Par la consommation d'animaux, c'est ça? Alors, soit par la consommation, soit par les conditions confinées dans lesquelles sont les animaux. Les scientifiques en parlent depuis des années. Et jusqu'ici, on continue de concentrer de plus en plus les animaux. En tout cas, il n'y a pas de recul de cette production-là. Et donc, d'un point de vue de l'environnement, d'un point de vue de la santé, d'un point de vue du partage des ressources aussi, diminuer notre consommation de viande. Diminuer. Et puis, comme vous dites, peut-être avoir des structures beaucoup plus petites, beaucoup plus proches des animaux. Ouais. Ça pourrait répondre à ces impératifs-là. Maintenant, si on se place du point de vue des animaux, du point de vue éthique, quand on consomme la viande des animaux, quand on prélève le lait, qu'on sépare les veaux avec leur mère pour pouvoir utiliser le lait des mères, et puis les veaux ils partent dans le circuit de la boucherie ou ils partent au renouvellement des mères, du point de vue des animaux, chaque fois qu'on mange de la viande, en fait, on a fait tuer un animal à un âge précoce, à un âge très précoce, c'est des animaux jeunes. Donc qu'on le fasse de façon plus ou moins violente, ça reste quand même une violence qui est faite aux animaux. Mais aujourd'hui, l'impératif, la priorité, ce serait effectivement, ensemble, de sortir de l'élevage intensif, et c'est bien là-dessus qu'on appuie nos actions. Mais ça ne nous empêche pas de soulever la question philosophique de la légitimité, de continuer à tuer des animaux pour les manger, alors qu'on n'en a aucune nécessité. D'autant plus qu'il y a aussi des corrélations entre certaines maladies et la consommation excessive de viande. Exactement. Oui, de notre point de vue, de notre santé, la consommation moyenne aujourd'hui... Avec les légumes et les... C'est pas le cas avec les légumes, exactement. Quand les véganes s'attaquent à des boucheries, est-ce que ça fait vraiment avancer la cause? Alors, c'est pas vous, hein, les véganes. Alors, c'est pas nous. Nous, on est totalement opposés à ça. Ah, oui, d'accord. Oui, non, alors, on est totalement opposés à ça. Pour nous, effectivement, ça pose le débat en termes les véganes contre les bouchers, ce qui est pas du tout le sujet qu'on veut amener. Nous, on veut amener notre société dans son ensemble, y compris avec ceux qui vivent aujourd'hui de l'exploitation animale, c'est-à-dire les éleveurs, les ramasseurs de volailles, les ouvriers d'abattoirs, qui aujourd'hui, vous l'avez rappelé, sont dans des conditions tout à fait précaires, ont des conditions de travail absolument abominables, et des rémunérations qui sont loin d'être importantes. Et donc, c'est changer un système en entier. Donc, le changer avec tout le monde. Et c'est vrai que parfois, on associe L214 à la violence parce que les images qu'on montre sont extrêmement violentes. Oui. Mais nous, on est profondément pacifistes. C'est ce qu'on a dit dans le récit, d'ailleurs. On l'a dit. Profondément bienveillants. Nous, on pense qu'il y a moyen de construire une société de cohabitation avec les autres animaux et que ce qui nous manque le plus, comme dirait la philosophe Florence Burga, c'est l'imagination. C'est imaginer une société où on vit en bonne intelligence avec les autres animaux. Ils nous entretiennent le paysage, nous, on leur assure protection et santé. Voilà, mais tout oui, simplement. Mais oui. Vous connaissez Paul McCartney, évidemment, plus précisément, parce que tout le monde peut le connaître, Paul McCartney. Sa chanson Helter Skelter, sur le double album qu'on appelle le double album blanc, qui s'appelle en fait les Beatles, où il dénonce justement l'abattage des animaux. Helter Skelter, eh bien c'est pas celle-là qu'on va écouter, c'est une autre. C'est McCartney 3, parce qu'on passe beaucoup McCartney 3 en ce moment, qui s'appelle Looking for Change. Donc il attend du changement aussi, Paul McCartney, probablement également sur ce terrain-là. Paul McCartney, Looking for Changing, extrait de l'album Off the Ground 1993, et non pas de McCartney 3, j'ai un peu obsédé par la sortie du dernier disque de Paul McCartney. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Brigitte Gauthier, cofondatrice de l'association L214, qu'a dit le grand Paul à propos des abattoirs? Eh bien, le grand Paul a dit « Si les murs des abattoirs étaient transparents, tout le monde serait végétarien ». Et ça rejoint ce mois de janvier où d'Angleterre est parti le Veganuary, un mois entier où on peut tester l'alimentation végane. Et avec L214, cette année, nous sommes les représentants en France de cette grande initiative. Donc voilà, on peut inviter tout le monde à tester, découvrir une alimentation qui ne nécessite pas d'utiliser les animaux. Donc voilà, sur notre site internet, sur L214.com. On a terminé le récit tout à l'heure par la question du lobbying et de la lutte que vous menez contre deux mastodontes, la FNSEA et Interbev, le syndicat des producteurs de viande. On comprend qu'avec les deux projets de loi sur la vidéosurveillance dans les abattoirs et les cages à poules, qu'il est très difficile de faire bouger les lignes, même quand une loi est votée. Vous avez trouvé un autre lait qui est plus efficace, c'est celui des municipalités. Expliquez-moi ça, et en quoi les nouveaux maires, on va dire, réagissent de façon plus efficace ou plus positive à vos propositions que les autres? On a des mesures très très concrètes, effectivement, qu'on porte à différents niveaux, local, national ou même européen. Et pour la campagne municipale de l'an dernier, maintenant on peut dire l'an dernier, on a proposé toute une série de mesures qui concernent notamment la commande publique, les cantines scolaires, où les maires ont le pouvoir de dire « nous ne commanderons plus, par exemple, de produits issus d'élevage intensif ou d'abattage sans étourdissement, d'abattage avec étourdissement ou dioxyde de carbone pour les cochons, ou d'oiseaux qui sont suspendus par les pattes avant même d'être étourdis. Donc ils peuvent avancer là-dessus, ils peuvent avancer aussi sur le menu, sur les menus végétariens ou végétaliens, avec Greenpeace, avec l'Association Végétarienne de France, on porte la demande de 2 menus végés par semaine, de façon à... parce que il y a la question climatique aussi qui accompagne cette question animale. En fait, la question de notre consommation de produits d'origine animale et au croisement de plusieurs problématiques, dont la question climat et tout ça. Et l'éducation aussi, surtout. L'éducation, on a l'honneur d'avoir le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Éducation nationale qui cherche à barrer la route justement à L214 pour pouvoir proposer du matériel pédagogique aux enseignants et tout ça. On envoie un exemplaire d'un journal qui s'appelle Mon Journal Animal, qui est destiné aux 10-14 ans, qui est édité par l'association, qui est rédigé par l'association, par des enseignants qui ont rejoint l'association. Et effectivement, quand la représentante de la FNSEA, Christiane Lambert, dit il ne faut pas que L214 entre dans les écoles, on a un relais politique qui est tout de suite au garde à vous, alors que Interbev, par exemple, dont vous avez parlé, des représentants bovins, et le CNIEL, celui du lait, peuvent rentrer sans avoir aucun agrément dans les écoles. Mais par contre, L214... ce serait gênant, alors que l'école, c'est le lieu du débat, justement, avec peut-être justement des échanges qui peuvent se faire autour de ces questions-là, de la façon dont on traite les animaux, de notre alimentation et de son impact, et que c'est vraiment un endroit où justement on a l'éducation à la citoyenneté, pouvoir donner ses points de vue, etc. On parlait de questions de civilisation, donc questions de culture, et ces questions-là sont des questions d'éducation avant tout. Imaginez que les gens de ma génération nous eût dit « faut pas manger de la viande ». Pour les raisons qu'on a évoquées, on n'en mangerait certainement pas. Mais on a été habitués. Les générations étaient habituées, notamment les générations des Trente Glorieuses, à manger de la viande tellement ça paraissait évident. Et on peut traîner ça comme ça pendant des décennies de sa vie. Donc c'est au niveau d'éducation que ça joue. Alors c'est terrible quand même, parce que vous formez des élus et même des gendarmes. Dites-moi. Alors les gendarmes, c'était dans une autre vie, c'était avant, et c'est ça perdure encore. C'est l'association Wellfarm qui intervient auprès des gendarmes de façon. En fait, les gendarmes ont une formation tout à fait générale, et souvent sur la route, notamment, il y a beaucoup de bétaillères qui circulent, qui sillonnent la France, qui sillonnent l'Europe. On a déjà suivi. Alors personnellement, moi, j'ai déjà suivi une bétaillère qui partait de Hollande et qu'on a suivi jusqu'à la Pologne et qui devait aller jusqu'en Russie, avec des cochons à l'intérieur, par des températures de plus de 35 degrés. Et c'est vrai que parfois, les gendarmes sont démunis pour pouvoir intervenir, pour pouvoir arrêter des camions qui sont en infraction avec la réglementation. On a suivi aussi des veaux qui venaient d'Irlande, passant par la France pour aller jusqu'en Hollande, puisque pour produire du lait, on fait naître des veaux. Les veaux, on les sépare des vaches. En Irlande, ils produisent beaucoup de lait, mais ils mangent presque pas de viande de veau, donc ils les envoient en Hollande. Et puis après, en Hollande, ils les élèvent, ils les engraissent, ils les tuent. Puis après, ça arrose toute l'Union européenne, dont la France, pour consommer la viande de veau. Donc c'est un marché mondialisé, des animaux qui peuvent faire des transports très très longs, internes à l'Europe ou même vers d'autres pays comme la Turquie, le Liban. On a aussi montré des images de ces animaux tués dans d'autres pays. Que c'est pire ? Est-ce qu'il y a d'autres pays où c'est encore bien pire que chez nous ? On peut toujours regarder ce qui est bien pire que chez nous. Ça justifie rien, pardon. C'est juste pour savoir, c'est un constat, c'est l'info. Oui, il y a des pays où la réglementation qui encadre les conditions d'abattage ou les conditions d'élevage des animaux sont encore plus laxiste qu'ici, mais ici on a aussi des réglementations qui doivent s'appliquer et qui ne sont par exemple pas appliquées. Mmh. Et puis quand on va montrer les images comme on l'a fait pour l'abattoir Sobeval, on montre qu'il y a des infractions, et puis la première réaction des pouvoirs publics c'est de dire non, il n'y a pas d'infraction. Et puis quand il y a un mail qui leur échappe, et qu'on voit bien les mensonges, ils ont cherché à faire des éléments de langage en béton pour nier les infractions, quand on montre enfin que mensonge, là, il y a action, effectivement, pour essayer de rectifier les situations. Mais dans beaucoup d'abattoirs, quand Stéphane Le Foll a demandé l'inspection de tous les abattoirs d'animaux de boucherie, ça montrait que 80% des chaînes d'abattage ne respectaient pas la réglementation. Mmh. Ce qui est quand même fou. Quand on montre les images d'élevage, on peut voir que, un, il y a la question de la réglementation, parfois pas respectée, et donc c'est des souffrances accrues pour les animaux, mais il y a la question aussi de ce qui est légal encore aujourd'hui, et pourtant désapprouvé par la majorité des gens. On est plus de 80% des gens à être contre les élevages intensifs qui enferment les animaux à l'intérieur, et pourtant il y a encore 80% des animaux qui sont élevés dans ces conditions-là. Alors avec Hugo Clément notamment, on a commencé le référendum d'initiative partagée, un référendum pour les animaux. Mais on voit bien que c'est compliqué, que les résistances effectivement politiques sont importantes, et heureusement qu'on a l'échelon municipal pour pouvoir avancer un peu au niveau politique. Heureusement qu'on a des entreprises qui avancent sur ces questions-là, notamment sur la question des poules pondeuses. On est passé de 80% de poules pondeuses en cage en 2008 à 47% aujourd'hui. Parce que on a eu des actions vers les supermarchés, vers les fabricants, vers l'hôtellerie-restauration, vers les producteurs même. Les supermarchés qui ne sont pas braqués d'ailleurs. Ah mais qui ne sont pas braqués du tout. Non, ils voient bien que on avance comme on le dit. On est une association qui effectivement montre des choses terribles, mais on est aussi une association qui arrive avec des solutions et des solutions qui sont pour faire reculer les pires conditions d'élevage et d'abattage des animaux. Et aussi pour nous faire découvrir une cuisine différente de façon à épargner le plus grand nombre possible d'animaux. Donc voilà, et on est bien entouré, effectivement, vous l'avez rappelé, on a plus de 45 000 membres aujourd'hui, on a plus de 2000 bénévoles qui sont actifs dans plus de 50 villes en France. Ça gagne grosse affaire. C'est juste énorme de voir avec le recul effectivement de quelque chose qui a démarré tout petit et qui aujourd'hui est assez grand. Et sur notre site internet, on propose tout un tas de moyens d'action, la lettre d'info, les réseaux sociaux aussi sur lesquels on est, où on peut nous rejoindre très facilement. Ce sera le mot de la fin avec ce rendez-vous numérique. En tout cas, merci Brigitte Gauthier pour votre témoignage. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, L214, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Bien sûr, rendez-vous également sur la page du site de France Inter pour tout commentaire ou information complémentaire concernant notre émission. Et merci à Pauline Laverdure qui était à la technique aujourd'hui.